vous êtes à CIFU 89.1 FM. Vous êtes maintenant à l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Mon nom est Sophie Laforêt et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la prochaine heure, c'est-à-dire jusqu'à 19h, toujours dans le plaisir et la passion, parce qu'aujourd'hui, c'est la 31e émission de Chérie, m'écoutes-tu? Et comme ce n'est pas un nombre précis, je le souligne. Et à l'émission cette semaine, nous entendrons Scout Niblette, les incendiaires Okerville River, ainsi qu'un extrait du nouvel album de la formation montréalaise Vanesse Paris-Ether, qui a mis en ligne, en fait, en téléchargement intégral, leur album vendredi dernier, le 17 juillet, soit au www.vanessepariether.com. Mais on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Je n'y manquerai pas. Et sans plus tarder, on va se lancer en musique avec un premier bloc franco et anglo, en compagnie de trois auteurs, compositrices, interprètes. Tout d'abord avec Françoise Breute, qui est originaire de la France. Vous écoutez Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Thank you.

vient d'entendre Scoot Niblett avec la pièce Kidnapped by Neptune de son album, de l'album éponyme en fait, la pièce titre de cet album du même nom, qui est le troisième album de cette artiste anglaise paru en 2005. Et sa musique est plutôt minimale. Cet album-là ressemble beaucoup à cette pièce, c'est-à-dire des pièces composées principalement ou même voire uniquement de batterie et de guitare, parfois de basse, comme dans la pièce qu'on vient d'entendre. Et sinon, elle utilise l'échantillonnage pour compléter ses pièces. Et je vous dirais que ça peut agrémenter un bon film d'horreur, cet album, parce que c'est plutôt lugubre et incertain. C'est pas rassurant, en fait, d'écouter ça seul à la maison. Mais je vous y invite tout de même. Avant, on avait l'auteur-compositrice-interprète française Camille avec une pièce de son troisième album musical. La pièce était Canard sauvage, qui est parue en avril 2008. Et Camille également, qui utilise l'échantillonnage pour faire ses arrangements assez complexes dans ses chansons. Et on l'aime bien pour ça, Camille. Ça ne ressemble pas à d'autres choses que je connais. Peut-être que si vous en connaissez, vous pourriez me les partager. Et avant, on avait Françoise Breut, qui est elle aussi une auteure-compositrice-interprète française de son album, son troisième album, Une saison volée, qui est paru en 2005. Et la pièce qu'on a entendue, c'est La certitude. Et Françoise Breut a sorti un album à la fin 2008, en décembre, je crois. Et son album s'appelait À l'aveuglette, qui est un excellent album également que je vous conseille si vous aimez Françoise. Et sur ce, je vais vous inviter à consulter le profil de l'émission, le profil MySpace de Chérie M'écoutes-tu au www.myspace.com/c'est fou chérie pour connaître les pièces qui sont passées en ondes, donc l'émission de ce soir et les émissions antérieures également. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de Chérie M'écoutes-tu pour connaître à l'avance une portion du menu qui vous attend à chaque émission du lundi. Et également, c'est une très bonne façon de me faire part de vos commentaires et me poser des questions. Je suis prête à répondre dans la joie. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, on va se diriger vers un bloc indie rock anglophone. Et on va entendre dans ce bloc, entre autres, Okkervil River, TV on the Radio et Black Diamond Bay. Vous êtes à l'émission Chérie M'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. No one to see on the quay, no one waving for me, just the shoreline receding. Ticket in my hand, I'm thinking wish I didn't hand it in. Cause who said sailing is fine, leaving behind all the faces that I might replace if I tried on that long ride. Looking deep inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to wave by. There might not be another star further on the line. Look out, look out at each town that glides by. There's another crowd to drown in crying eyes. And see how that light you love now just won't shine. There might just be another star. Don't recognize the name. still believe that no one is lying. We could confess if you want us to. We can confess if we need to. On vient d'entendre la formation Black Diamond Bay avec la pièce Weekend War de leur album Calm Awaits, qui est leur premier album paru tout récemment en 2009. Et en fait, ça fait partie de mes découvertes de la semaine, les albums que j'ai pu écouter cette semaine que je ne connaissais pas. Toute nouvelle formation. Et c'est un projet de deux des ex-membres de la formation The Dears dont je parle souvent étrangement dans mon émission depuis quelques semaines. Et c'est un album qui se rapproche beaucoup à ce que j'ai entendu de ce que The Dears faisait, mais avec un mélange. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que la voix, ça a quelque chose de Chris Martin, le chanteur de Coldplay. C'est la chanson qui a attiré le plus mon attention sur cet album-là. J'ai pas apprécié l'album au complet. C'est un album qui s'écoute quand même bien. Je vous dirais qu'en voiture, c'est parfait. C'est dynamique parce que, bon, pour mon travail d'été, ben, je me prends beaucoup en voiture, mais c'est pas bien. On serait mieux de prendre le transport en commun, mais j'ai pas le choix. Je travaille loin. Mais je vous compterai pas ma vie. Mais ça pour dire que j'écoute beaucoup les albums en voiture, puis bon, c'est un album qui s'écoute bien, mais je suis pas sûre que chez moi ou ailleurs ou dans mon iPod ou en marchant, ça m'aurait autant plu. Donc, c'est ça. Mon petit commentaire au sujet de cet album que je vous invite tout de même à découvrir si vous aimez The Dears et si vous aimez Coldplay. Avant, on avait la formation de New York, TV on the Radio, avec la pièce « I was a lover » de leur album, leur troisième album « Return to Cookie Mountain », paru en juillet 2006. Et c'est une formation qui est un heureux mélange d'indie, post-rock, expérimental et ainsi de suite, parce qu'ils combinent plusieurs sonorités, entre autres le jazz et l'électro et plein d'autres choses. Et c'est également une excellente formation à voir en spectacle, si vous avez la chance. Moi, je l'ai déjà eu, et c'est vraiment, vraiment un excellent show. Et leur plus récent album se nomme Dear Science et il est paru en septembre 2008, mais je n'ai pas encore écouté cet album, étrangement, il faudrait que je fasse ça prochainement. Et au début du bloc, nous avions une autre de mes découvertes faite en bagnole avec la formation Okkervil River, qui est une formation indie folk rock du Texas, des États-Unis. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Lost Coastline de leur cinquième album Stand In, paru en septembre 2008. Et j'aime bien cette chanson avec les la-la-la et les violons interminables à la fin. J'aime beaucoup comment la chanson évolue. C'était vraiment une bonne pièce. Mais encore là, l'album, pour parler d'une autre de mes découvertes, celle-ci, encore là, l'album m'a moins plu, aussi parce qu'il est court, il y a 10 pièces, puis dans ces 10 pièces-là, il y en a peut-être 3 qui sont comme des mini-interludes entre les autres pièces, donc on tombe à 7 pièces. Puis là-dessus, je dirais qu'il y en a peut-être 3 là, que j'apprécie particulièrement, donc 3 pièces sur 10, c'est pas une bonne moyenne, tant qu'à moi, pour un album. Et sur ce, on va se quitter le temps d'une courte pause. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez consulter le profil MySpace de l'émission pour connaître les pièces qui ont joué en ondes ce soir ou lors d'émissions antérieures. Vous pouvez également m'écrire et vous pouvez également accéder aux liens des profils MySpace des artistes que j'ai fait jouer. Donc, vous pouvez réécouter les pièces ou encore en écouter d'autres. Tout ça au www.myspace.com/c'est fou chérie ou encore joindre le groupe Facebook pour encore là une fois m'écrire ou connaître les pièces qui vont jouer aux émissions du futur. Sur ce, on se quitte le temps d'une courte pause et au retour, on revient dans la francophonie avec 3 formations de Montréal dans le rock franco. Vous êtes à Chérie M'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou 89.1 FM. Et radio. Je C'était la formation We Are Wolves avec la pièce Magique, qui en fait la seule pièce en français de leur album Total Magic, qui est leur deuxième album paru en 2007, tout juste après l'album Non-Stop, Je te plie en deux. J'aime vraiment ce titre d'album. Et c'est une formation d'électro-rock de Montréal. Et c'est dans la même vague, je vous dirais, que Duchesse 16 ou encore peut-être les Georges Leningrad, pour ceux qui connaissent, qui font dans l'électro-trash. Et peut-être aussi Dandy Wind, qui fait dans l'électro un peu trash aussi. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez également écouter ces groupes. Qui sait, peut-être que vous les aimerez aussi. Et avant, on avait les Incendiaires également de Montréal avec la pièce Les Jours Troubles de leur album No Mono Aware, qui est leur premier album complet paru en octobre 2008. Et c'est une formation de rock new wave aux petites sonorités là, à la Indochine parfois. Et vous pouvez consulter leur site internet, soit lesincendiaires.com, pour télécharger certaines de leurs pièces qui sont disponibles dans la section discographie. Et au début, nous avions Major Bidet avec la pièce Painful Love de leur album La vie qui fit avec la tapisserie, qui est leur premier et unique album paru en 2007, parce que maintenant, ils poursuivent un projet plus rock-pop sous le nom de Major. Donc, Bidet a pris le bord, c'est seulement Major maintenant. Et vous pouvez également consulter leur site, soit le major.ca, pour plus d'informations concernant leur plus récent projet. Et sur ce, on va se diriger vers un bloc de musique. Et oui, quelle surprise! Tout d'abord avec la formation Final Fantasy. Vous êtes à l'émission Chérémy Coutu avec Sophie Laforêt jusqu'à 19h sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Country hero. was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. I asked the caretaker, 'cause he was a maker, looked at me and laughed, took another sip from his glass. He said, open up your ears and hearts. You put a big bird in a small cage and sing him a song. On vient d'entendre Patrick Watson avec la pièce Big Bird in a Small Cage qui paraît sur son troisième album Wooden Arms. Et sur cette pièce, la voix de femme qu'on entend, c'est Cathy Moore, qui est une auteure-compositrice-interprète de Montréal, qui est plutôt méconnue. Mais on peut également l'entendre avec Gonzalez, Plants and Animals, So Cold et d'autres. Et donc, elle sortira un album sous peu à ce que j'ai pu lire aujourd'hui. Donc, ce sera à surveiller. Vous pouvez consulter son profil MySpace également si vous appréciez sa voix pour voir ce qu'elle fait de son côté en solo. Et l'album de Patrick Watson est présentement en nomination pour le Polaris Music Prize qu'ils avaient déjà remporté en 2007 avec l'album Close to Paradise. Et le prix Polaris, en fait, c'est un prix musical accordé chaque année par les critiques de musique à un groupe canadien. Donc, c'est quand même un très grand prix. Donc, on verra s'ils remporteront encore une fois cette année ce prix. Avant, on avait la formation montréalaise Vanesse Pariétaire avec la pièce Bleu sur Or de leur album La mer était vide. Et comme je le mentionnais en début d'émission, leur album est offert gratuitement au complet sur leur site internet, soit le www.vanessparietaire.com. Et c'est un album, là, la pièce que je vous ai fait jouer. C'est une pièce plutôt tranquille comparativement à l'album qui est beaucoup plus rock. Et la pièce, justement, qu'on a entendue, Bleu sur Or. Et malheureusement, je dirais que le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle dure seulement 2 minutes, parce que j'adore vraiment comment elle évolue. Puis à la fin, les violons avec... les tambours ou la batterie, ça me fait vraiment penser à Sigur Rós. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont fait le même lien que moi. Mais en tout cas, j'espère que je ne suis pas seule. Et au début du bloc, nous avions la formation Final Fantasy, qui est en fait un projet d'Owen Paulette, j'espère que je le prononce bien, qui est un violoniste canadien de Toronto, qui a collaboré avec plusieurs formations, notamment Beirut, Arcade Fire, Last Shadow Puppet, Patrick Wolfe aussi, qui est un chanteur... d'Angleterre, et il a également fait plusieurs reprises où le violon est à l'honneur, dont des reprises de Grizzly Bear, Block Party et la formation montréalaise Stars. La pièce qu'on a entendue, c'est The CN Tower Belongs to Death, et elle apparaît sur l'album Has a Good Home, pardon, paru en juin 2005, et c'était son premier album. Et l'émission va s'achever, et oui, s'achever bientôt, et on va se quitter avec deux dernières pièces en attendant. Et tout juste avant, je veux également vous inviter à écouter l'émission de la semaine prochaine, qui sera une émission spéciale. Ça arrive parfois des émissions spéciales. Donc, ce sera une émission sur le festival Oshiaga. Il y a déjà eu une première partie à cette émission spéciale qui était en mai dernier, où on a fait jouer les artistes qui jusque-là avaient confirmé leur présence. Et la semaine prochaine, on va faire jouer ceux qui n'ont pas encore joué. Donc, il y a plusieurs noms aussi qui se sont ajoutés à la liste. Et en même temps, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la nouvelle, pour ceux qui ont déjà leur billet pour le festival, les Beastie Boys ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne seront pas de la partie. Eux qui étaient le gros nom du festival pour la journée de dimanche, donc on ne sait pas encore qui va les remplacer. Et la raison de leur cancellation est qu'en fait, un des membres du groupe, je ne saurais vous dire lequel, est atteint d'un cancer, donc c'est pas très joyeux. Donc on peut comprendre qu'ils ont annulé leur prestation, mais en attendant, on est quand même impatient de savoir qui prendra la relève. En fait, moi, je suis impatiente. Et donc, encore une fois, le Festival Oshiaga, pour mieux cerner cet événement, c'est un festival d'envergure qui se tient au Parc Jean-Drapeau depuis maintenant 3 ans. Et cette année, ce sera le 1er et le 2 août. Donc, c'est à ne pas manquer. Vous pouvez consulter le oshiaga.com pour connaître la programmation complète. Et également, ce soir, sur les ondes de C'est fou, je vous invite à écouter mon ami Simon Fitzbay, qui anime l'émission Évolution, qui est une émission... culture rock, qui est sur les ondes depuis déjà un bon moment. Donc, c'est de 8h à 22h, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que c'est juste 1 heure, je ne suis pas certaine. Et donc, c'est ça en attendant l'émission de mon ami Simon. Je vous laisse avec deux dernières pièces. La première qu'on va entendre, c'est une pièce du dernier album de Yann Perrault. On va entendre « Le pays d'où je viens ». Et ensuite, on va entendre la pièce M79 de la formation Vampire Weekend. Et vous allez voir, c'est un très beau mélange de musique classique et de sonorité reggae. La première fois que j'ai écouté cet album-là, j'étais vraiment incertaine, mais plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Donc, vous allez avoir déjà une première écoute et vous pourrez faire les autres dans le futur. Donc, c'est Sophie Laforêt qui vous souhaite une excellente fin de soirée sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Où étais-je quand la guerre a vraiment commencé? Dans le ventre de ma mère, sachant ce qui m'attendait, c'était bien les cris de millions de gens qui souffrent, victimes d'hypocrisie et de politiques louches. Dur, dur de rester lucide et de garder le goût de vivre sur cette planète hostile, partie à la dérive. Dans mon cœur je me retire, j'ai l'âme d'un déserteur. Je suis de loin, je viens d'ailleurs. Le pays d'où je viens, où je retournerai, c'est certain. Me manque de plus en plus chaque jour, exilé, perdu dans un monde qui court. Étais-je tout ce temps que je n'ai pas vu passer? J'étais pourtant présent, les photos vont prouver. Des amis, des amours et des rêves oubliés reviennent dans ma mémoire aujourd'hui retrouvés. Ça fait chaud dans mon cœur. Je suis de loin, je viens d'ailleurs. Le pays d'où je viens, où je retournerai, c'est certain. Me manque. la mer qui se déchaîne, les pleurs des enfants, les mensonges à la chaîne. Dans mon âme, je soupire les larmes d'un monde meilleur. Je suis de loin, je viens d'ailleurs. Le pays d'où je viens, où je retournerai, c'est certain. Le monde de plus en plus chaque jour, même s'il est perdu dans le monde qui court. Le pays d'où je viens, où je retournerai, c'est certain. Chaque jour, exilé, perdu dans un monde sans amour. We'll be right back. just then.